La séance d'aujourd'hui, comme je l'ai, quand j'ai commencé à écrire le développement que je vais vous faire, je pensais consacrer vraiment beaucoup de temps à introduire le livre de Wampold, de Bruce Wampold, dont je vous ai parlé, The Great Psychotherapy Debate, que je refais passer, mais pas en grande, parce que je vais parler d'une des planches du livre à un moment. Et ce qui est un exercice un peu particulier dans un séminaire de psychanalyse, parce que c'est vraiment l'articuler très directement à l'épistémologie, à la critique de la science, et essayer de montrer au fond, enfin, tout ça en fait qui m'a le plus intéressé, essayer de montrer comment l'activité concrète de première main de réflexion, de critique de la science, s'articule directement à la pratique même de la psychanalyse, ou à sa construction. Pas du tout, si vous voulez, comme quelque chose qui viendrait de l'extérieur renforcer un système de concepts qui serait celui de la psychanalyse et qui existerait par lui-même, mais parce que se livrer à cette critique-là, c'est mettre la main sur quelque chose qu'on va appeler du réel, et c'est situer justement un certain nombre de concepts psychanalytiques par rapport à ce réel tel qu'il se présente dans la configuration qui est la nôtre. Et ce qui m'intéresse beaucoup dans le travail absolument fondamental de Wampold, qui a marqué dans l'histoire de la psychothérapie une rupture dont on sent toujours, des années après, ça a complètement renversé les conceptions, le champ, ça a influencé énormément les politiques publiques. Ça va d'ailleurs probablement l'influencer même en France, je vous dirai un mot là-dessus bientôt. C'est d'avoir réussi à constituer un objet éminemment flasque et apparemment indéterminé qui est la psychothérapie, la pratique psychothérapique, en un objet sur lequel on peut tenir un discours extrêmement serré, un discours scientifique très très précis, et dont on peut tirer des conséquences très fortement argumentées. Et alors pourquoi je vais insister sur cette dimension? C'est que puisque voilà, je m'intéresse cette année à ce qui est psychothérapeutique, je voudrais me servir de ce genre de travail, qui est le travail scientifique, avec son, dans le détail, hein, c'est plein d'aspérités sur lesquelles je ne vais pas revenir, il y a des propositions de mathématiciens, un mathématicien de formation, il y a des transformations d'instruments mathématiques qui sont reconstruits, réadaptés, il y a des théorèmes nouveaux, enfin il y a un certain nombre de choses qui sont quand même, enfin pas des théorèmes nouveaux, mais des nouvelles interprétations de certains théorèmes statistiques qui sont quand même extrêmement sophistiqués. Bon, donc je ne vais pas rentrer dans ce genre de détails, mais ce qui m'a surtout importé, c'était d'essayer de travailler sur la dimension de rapport au réel pour l'appréciation de cette chose-là. Autrement dit, de rompre avec l'idée, de rompre alors aussi fortement que possible, et j'essaie de tenir ce pari toute l'année, avec l'idée que ce que la psychanalyse ou les psychanalystes auraient à penser de la psychothérapie devrait se situer sur un plan d'ordre moral. C'est-à-dire, au fond, la psychanalyse défendrait une certaine idée de l'homme, du sujet, de la subjectivité, du moi, etc. Hein ? Et puis, il y aurait de l'autre côté une représentation essentiellement technicisée, opérationnalisée, interprétée de manière statistique à des fins de santé mentale, impersonnelle, s'appliquant à un individu pris en masse, etc., etc., et lui-même entretenant des relations suspectes et en tout cas très faciles à observer avec le système général de la production des richesses, des biens, le système politique, etc. Dans la mesure où effectivement, dans les démocraties, c'est le propre quand même des démocraties, la santé mentale des individus intéresse la totalité du fonctionnement social et non seulement au sens où la bonne santé mentale est la mauvaise santé mentale est chiffrée, est évaluée en milliards d'euros de pertes annuelles rapportées aux heures de travail, aux coûts sociaux, etc. Hein, exactement comme les cancers ou les maladies cardiovasculaires. Bon. Mais aussi, et ça c'est un phénomène qui est moins évident mais qui est absolument essentiel, parce que la santé mentale positive, c'est-à-dire le fait d'aller bien, est associé à des gains de productivité, etc. Et qu'il y a beaucoup plus de travail sur la santé mentale positive que sur la bonne santé cardiovasculaire, etc. qui est beaucoup moins évalué sur, de cette manière-là. Et c'est étroitement lié, comme vous savez, à cause des travaux, par exemple, d'Alain Ehrenberg, c'est étroitement lié au fait que la santé mentale positive fonctionne comme une norme, en général, la santé mentale, comme un ensemble de normes sociales caractérisant le bon état de l'individu et la façon dont il met en œuvre son autonomie. Ceci peut susciter, évidemment, des réactions d'ordre politique, moraux, moral, qui s'autoproclament éthiques, parce qu'en général, ça fait tout chic, ça fait penser au séminaire de Lacan sur l'éthique, et en oubliant d'ailleurs que chez Lacan, oubliant souvent, pas toujours, enfin souvent, que ce qui est éthique, c'est ce qui a affaire au réel, hein, et non pas ce qui a rapport à la norme, chez Lacan. En séminaire sur l'éthique, l'éthique, c'est la confrontation. C'est pour ça que la loi éthique, hein, c'est, je vous rappelle cette chose extrêmement importante, s'il y a une éthique, s'il y a une loi, et que le type, comme dit Kant, de la loi éthique, la modalité d'universalité qui lui est propre, est pensée par analogie avec l'universalité des lois de la physique et des mathématiques. Donc c'est la même forme d'université. Je ne sais pas pourquoi je fais ce... Oui, je le sais. Enfin, j'en ai une idée, ce lapsus. Donc cette universalité-là, la loi au sens déterministe des sciences de la nature sert de type à la loi morale, ce sur quoi Kant s'étend à profusion dans la critique de la raison pratique. Donc il ne faut jamais oublier, c'est que cette loi de la nature articule l'universel éthique à la chose, au réel, hein, chez Lacan. Et ça, c'est pas tout à fait la même chose que l'éthique des comités d'éthique, par exemple. Hein. C'est pas exactement la même chose au sens où il faudrait respecter une certaine idée normative de l'homme et de sa liberté. Ce qui m'importe beaucoup dans ce genre de choses, c'est que l'approche que je voudrais proposer, c'est qu'à partir du moment où elle ne propose pas de suivre pour la critique ou l'évaluation de ce qui est psychothérapeutique la voie des idéaux qu'on peut se faire, en particulier d'un sujet idéalisé, qui est un sujet qui aurait existé autrefois, qui avait le sens du tragique, etc., et qui disparaîtrait de nos jours, on se retrouve évidemment devant quelque chose de beaucoup plus angoissant. Même, je vous racontais, c'est assez flippant, mais c'est la preuve, quand c'est flippant, qu'on s'intéresse au réel qui intéresse la psychanalyse. C'est ça la chose qui nous soucie. Et dans cette version qui est extrêmement répandue, qui n'a jamais considéré comme nécessaire, en tout cas en France, de descendre dans les détails de l'analyse scientifique de ce qu'on appelle les psychothérapies, qui a toujours considéré que c'était du scientisme, hein, qu'on n'allait pas discuter de la façon dont cette science de la psychothérapie et de son évaluation s'est constituée, on a toujours invoqué, au fond, une certaine idée du symptôme. C'est une idée du symptôme qui repose sur l'idée suivante, c'est que le symptôme, ce serait la façon dont un sujet, dans sa singularité, se construit en exception, ou en tout cas, si on est en exception, en tout cas de guingois, je pense que la formule est mieux comme ça, de guingois, par rapport à un certain nombre de normes, d'idéaux qui lui sont imposés sur le fond d'un malaise fondamental de la culture qui est lié à l'existence du désir. Bon, je résume beaucoup de choses. Au sens où, au fond, les gens vous racontent que ce qui ne va pas dans les pratiques psychothérapeutiques, surtout les pratiques standardisées, type TCC ou des choses de ce genre, c'est que le symptôme y est entièrement vidé de sa qualité singulière qui émerge et qui en fait l'incomparabilité de sujet en sujet. Hein, une fois qu'on a surmonté l'apparente ressemblance des formes symptomatiques qui existent et qui en particulier rate la dimension proprement subjective du symptôme qui est qu'il enveloppe une question et qu'il peut s'articuler. Il y a quelque chose dans le symptôme qui s'articule, et qui s'articule au sens vraiment où on articule une question et on la pose. Et que cette question est une question organisatrice de, euh, de, non seulement du symptôme, mais de l'ensemble de l'existence de la personne qui est affligée de ce symptôme. Alors évidemment, le problème de ce discours, c'est qu'il est extrêmement congruent avec un idéal social, un idéal de la singularité de l'individu, de son incomparabilité, de son caractère absolument précieux, qu'il est étonnamment compatible avec le discours traditionnel de l'autonomie, de la construction de soi, de l'affirmation de soi, ce qui le fait, lorsqu'il coexiste avec des concepts lacaniens, sonner très bizarrement. Parce que je vous rappelle quand même que s'il y a bien quelqu'un pour qui l'autonomie, c'est plutôt un truc à se taper sur les cuisses, c'est bien Lacan. À quoi ça sert de dire que le désir de l'homme, c'est le désir de l'autre ? Ça sert très précisément à entièrement mettre de côté la problématisation de l'autonomie. Il n'y a jamais été question, pour Lacan, même en un sens indirect ou second, d'autonomiser les gens. C'est une analyse, ça n'a pas pour but d'autonomiser les gens. J'en avais mentionné la dernière fois, mais je me souviens par exemple dans mon dernier bouquin que j'ai fait là, sur la fin des coupables, d'avoir été lu dans le travail de préparation par une élève de Castoriadis qui avait écrit des choses absurdes et presque comiques sur Lacan, dont je ne comprenais pas comment Castoriadis avait pu dire des choses aussi bêtes et avec une telle virulence sur Lacan que j'attribuais au problème de l'époque. Pas du tout. J'ai compris en discutant avec cette personne qu'en fait, pour quelqu'un comme Castoriadis, c'est dans une certaine tradition de la pensée de gauche auquel il se rattachait, l'idée d'émancipation et d'autonomisation était tellement centrale dans l'anthropologie même de Castoriadis qu'il avait pris entièrement à contresens, mais systématiquement à contresens, toute la construction de la psychanalyse chez Lacan, qui effectivement se démarque très fortement du projet qu'il y a chez Freud, où chez Freud, de manière extrêmement certaine, le projet de la psychothérapie psychanalytique est un projet d'autonomisation. C'est devenir autonome, c'est devenir un individu autonome, accompli, un adulte, etc. Déjà chez Mélanie Klein, c'est nettement moins clair. Bon, je pense que même c'est plus du tout le cas chez Mélanie Klein. Et c'est une interprétation de Mélanie Klein. En tout cas, chez Lacan, c'est explicitement l'inverse. Et que donc, c'est peut-être pour ça, au fond, que ces textes de Castoriadis sont au fond plus significatifs que je ne croyais. C'est parce qu'ils montrent bien que lorsque vous vous placez dans une appréciation de la psychothérapie comme contribuant et de la psychothérapie psychanalytique comme contribuant au projet d'émancipation de la modernité, des concepts comme ceux de Lacan ne peuvent paraître que comme des monstruosités logiques et morales. Et effectivement, c'est sur ce ton-là que c'est écrit la dénonciation des sophismes, des absurdités, etc. de Lacan. Il y a un problème avec les gens qui mettent un petit peu trop en avant la singularité subjective dans le symptôme et qui en parlent comme de quelque chose qui serait un référent éthique. C'est le très ennuyeux air de famille de ces fameux symptômes qui sont prétendument si singuliers que ça. C'est-à-dire que les gens qui se lavent les mains 8 heures par jour, il y en a quand même beaucoup. Les gens qui ont des hallucinations et en même des symptômes positifs et des symptômes négatifs, il y en a quand même énormément. Ils ont même une stabilité statistique extrêmement ennuyeuse. Les associations entre les symptômes sont quand même tout à fait frappantes et sont maintenues avec une très grande régularité. Il y a les gens qui ont à la fois des obsessions et des compulsions. Au début, on pensait que c'était 90%. Maintenant, on pense que c'est quand même 80% des gens qui ont... Ils sont plus rares. Ceux qui n'ont que des compulsions sont très rares. Et ceux qui n'ont que des obsessions ne sont pas si nombreux que ça. En général, les gens ont les deux. Bon. Et ça, c'est vrai, enquête après enquête, dans plein de pays, de plein de manières, même en remettant à plat les méthodes, etc. Il y a une sorte comme ça de régularité des choses qui est d'air de famille, qui existe également dans le discours de la singularité subjective. C'est toujours extrêmement frappant d'écouter les collègues parler du sujet singulier et puis 20 secondes après dire machin est obsessionnel ou truc est hystérique. comme si, au fond, on ne pouvait pas se passer de cette régularité inscrite dans la catégorie, et qu'on avait besoin de ces régularités catégorielles pour, par un travail de complexification, de recoupement, etc., en extraire quelque chose de très singulier. Et du coup, l'horizon comme ça, quantitatif, le poids de ce qui se répète et de ce qu'attrapent les statistiques et les régularités statistiques est extrêmement frappant. Or, les manières d'aller mal, et ça c'est un deuxième point sur lequel je voudrais insister, parce qu'il est, alors là, celui-là est encore moins apprécié, et c'est peut-être plus original de le rappeler, c'est que les manières d'aller mal sont socialement contraintes. C'est que vous ne pouvez pas aller mal comme ça, et que, on le sait très bien, par exemple, pour la dépression, les manières d'être déprimé, les manières d'être anxieux, les signes, les expressions du visage, on apprend à aller mal. On ne peut pas inventer à soi tout seul, dans son coin, ou réaliser dans son corps que c'est des signes qui se manifestent spontanément, les expressions de la dépression, ou des, bien évidemment, comme j'avais travaillé là-dessus, sur des obsessions, des compulsions, etc. On a longtemps pensé que ça, c'était vraiment extrêmement spécifique de ce qu'on appellerait comme ça les névroses de ville, voilà, les troubles névrotiques. De plus en plus, aujourd'hui, la recherche, l'anthropologie de la psychiatrie a mis en évidence que c'est également vrai pour des choses plus surprenantes, comme par exemple les psychoses maniaco-dépressives. Emily Martin, dont on va traduire bientôt dans quelques... Ça va sortir en janvier. Emily Martin va venir en France. Cet anthropologue qui a fait de l'anthropologie psychiatrique sur les groupes et sur l'histoire de la psychose maniaco-dépressive aux États-Unis, c'est des groupes de patients, etc. Et qui est elle-même une personne qui a traversé un épisode maniaco-dépressif franc, caractérisé, etc., psychiatrique, tout ce qu'on veut, et qui a justement intégré justement cette espèce d'expérience personnelle qu'elle a eue de la psychose maniaco-dépressive dans son travail d'anthropologue pour repérer les formes sociales de la manière d'être maniaque, y compris quand vous êtes extrêmement délirant, ou de la manière d'être dépressif quand vous êtes par ailleurs maniaque. Et d'apprécier comment les gens construisent, non seulement à l'intérieur des groupes, mais à l'intérieur des traditions culturelles, et notamment aux États-Unis, ce que c'est qu'un état d'agitation, par exemple. Un état d'être agité aux États-Unis, c'est quelque chose qui obéit à des contraintes extrêmement générales de ce type. Donc de plus en plus, oui, alors bon, pour le transsexualisme, la chose est encore plus spectaculaire, hein, mais on rentre pas là-dedans trop en détail, mais bon, là vous savez que c'est carrément la manière même de se sentir mal dans son identité sexuelle, de ne pas savoir si on est un homme ou une femme, est soumis à des contraintes absolument incroyables, sociales, historiquement datées, on peut même dire pratiquement à l'année près quand est-ce que certains types de manières d'être transsexuel apparaissent ou d'autres disparaissent, quelles sont les variantes possibles, bon, tout ça est aujourd'hui extrêmement, extrêmement connu, et c'est même tellement connu que c'est un des arguments en faveur, comme vous savez, de la dépathologisation, de la dépsychiatrisation complète transsexualisme, c'est-à-dire que c'est tellement affine aux revendications de la subjectivité de se posséder elle-même et de posséder son corps, que c'est certainement la chose qui est passée le plus rapidement de l'exemple type de la maladie psychotique la plus grave aux droits de l'homme auxquels tout le monde devrait avoir accès librement. En 40 ans, quoi, en gros. On est passé de la maladie... folie absolument paradigmatique du président Schreiber, un truc qui est défendu par la Cour européenne des droits de l'homme. Bon. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de rappeler ce point, parce que ça veut dire que c'est pas simplement les manières d'aller bien ou d'être normal qui sont normalisées. Les manières de faire infraction à la norme, elles aussi obéissent à des régularités de ce type. Et c'est en ce sens que la manière dont nous exprimons nos émotions tristes et nos sentiments de détresse est fortement contrainte par la société. Et que je crois qu'on en viendra, et on en vient déjà par certains aspects, à considérer qu'au fond, il est bien possible que même ce qui a l'air le plus... les exemples même de l'incohérence ou du délire, comme par exemple être schizophrène, pourrait bien aussi être une conduite sociale, et qu'on ne choisit pas la façon dont est né schizophrène, que ce n'est pas une activité si isolée, radicalement individuelle, l'expression d'un bug du cerveau avec juste des ressemblances entre les manifestations extérieures, mais bien quelque chose qu'on devient dans un système d'interaction qui vous renvoie des choses, qui façonnent et moulent votre façon même de devenir schizophrène, d'évoluer dans votre schizophrénie. Et éventuellement, dans certaines périodes de la vie, comme on le sait maintenant, pour la moitié des gens, d'en guérir. Puisque la schizophrénie, hein, je vous rappelle, est une maladie dont on guérit. Il suffit d'attendre 30 ans de maladie, etc. Et la moitié des gens ont perdu des symptômes, mais ont ce qu'on appelle des cicatrices symptomatiques. Ce qui me maintient dans ça, je mets de côté ce point-là parce qu'il est quand même un peu normatif, c'est-à-dire que les façons de s'exprimer, d'exprimer son mal-être contraint par la société, sont liées au fait que pour que les autres connaissent qu'on va mal, il faut leur parler, il faut s'exprimer d'une manière qui soit identifiable par l'autre comme étant celle qu'on doit avoir quand on veut manifester qu'on va mal. De la même façon que vous ne pouvez pas inventer les expressions de la douleur, parce que sinon les autres ne les comprendraient pas, pour la douleur psychique, quelque chose de cet ordre se passe aussi. Ce n'est pas si naturel que ça, même si aujourd'hui on essaie de le prendre sous cet angle. Alors, ce que je voudrais maintenant faire, c'est essayer de rattacher ce que je viens de dire au problème de la mesure, de l'évaluation des psychothérapies. Il y a des gens qui ont des symptômes, il y a en face des traitements qui sont proposés, et en réalité, il y a des études sur les relations entre les psychothérapies et les symptômes, et contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer, il y en a énormément. C'est absolument hallucinant, il y en a des milliers, et beaucoup de ces études sont extrêmement précises. Pour des raisons complexes qui ont trait au fait que ce sont des études qui sont faites par des gens qui n'ont pas d'intérêt personnel, parce qu'on n'est pas en train de vendre des médicaments, avec ce genre de choses, leur qualité scientifique, leur honnêteté, leur transparence, le fait qu'elle est souvent faite par des gens qui cherchent à améliorer leur propre pratique psychothérapeutique, fait qu'elles sont beaucoup plus fiables que les grandes études publiées sur l'effet des antidépresseurs ou des thymorégulateurs ou des choses comme ça, qui sont extraordinairement riches de toutes sortes de biais, parce que les intérêts personnels et les intérêts commerciaux impliqués par les études sont absolument gigantesques. Quand vous faites, quand vous passez votre vie à compiler des méta-analyses sur l'efficacité des thérapies cognitives ou comportementales du trouble panique, vous gagnez pas beaucoup d'argent, quoi. Vous restez toute votre vie professeur dans votre université, etc. Et voilà, il n'y a aucun moyen d'être invité à Bali à essayer le dernier antidépresseur. Alors, ce qui est intéressant du coup, c'est que comme c'est fait avec une certaine honnêteté, pour les raisons que je viens de vous dire, la force très déterminée des statistiques qui émergent de ces travaux qui ont commencé dans les années 60, 70, 80, se sont multipliés en suivant d'ailleurs les progrès des technologies statistiques, la protocolisation des enquêtes, des trucs multisites, des comparaisons, des améliorations des échelles, de tout cet énorme travail de la psychométrie, qui est un travail gigantesque entrepris, notamment par les Anglais, mais aussi par les Américains, c'est qu'il y a quand même bien un réel, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui reviennent absolument constamment et qu'on n'arrive absolument pas à quoi qu'on fasse à éliminer en refaisant l'étude, même dans les mêmes... C'est un réel qui est pauvre en soi. On ne va pas dire que ce sont des résultats qui sont en eux-mêmes d'une très grande richesse ou qui donnent spontanément beaucoup à penser, sauf par le fait qu'ils se répètent. Je trouve que une des difficultés, alors elle est très, qu'on a devant ce type de statistiques, d'appréhension statistique, c'est-à-dire des gens qui ont voilà, corrélé des troubles ou bien des types de populations avec des thérapies, fait varier des composantes de la thérapie, permuté ceci ou cela, paramétré les choses par rapport à des redéfinitions du trouble, etc., qui ont commencé, qui ont fait des études de suivi, etc., qui ont fait ça pendant 30 ans. Hein. Il y a une société internationale d'études de psychothérapie qui existe, je crois, depuis les années 80, où je crois qu'il n'y a pas un seul Français. Ah si, il y a Jean-Michel Yaturin qui en est membre. Mais ce sont des travaux qui me font penser à une remarque de Bouvresse sur Freud. Vous connaissez cette parole de Freud qui dit que la psychanalyse, après Galilée et Darwin, la psychanalyse a infligé une humiliation supplémentaire à l'être humain, une humiliation narcissique, hein, c'est que Galilée a fait de la Terre une planète qui tourne autour du Soleil, Darwin a pris à l'homme qu'il descendait des animaux, enfin qu'il était du singe, et la psychanalyse lui a appris qu'il avait un inconscient et qu'il était... Bouvresse ajoute, la rationalité statistique est en elle-même une humiliation du narcissisme. C'est-à-dire qu'elle présente une réalité dure, répétitive, des choses qui se répètent constamment, qui reviennent, qui obéissent à des lois statistiques de répétition, de décomposition en facteurs, etc. Des choses qui, quoi qu'on veuille penser, s'appliquent à nos pratiques, nos vies, notre peuple, notre démographie, notre santé. Avec des choses sur des objets dont un certain nombre nous concernent intimement et en nous disant avec insistance des choses que nous ne voulons pas entendre. Et en particulier, la rationalité statistique, qui est étroitement liée à la montée des institutions démocratiques, des instituts de l'État moderne, de l'industrialisation, de la rationalité, de la gestion de masse de gens. Parce que fondamentalement, on prend des mesures, des décisions, notamment dans les régimes libéraux utilitaristes, en fonction de mesures statistiques sur les populations, que ce soit pour la santé, pour le vote ou des choses de ce genre. Le pourcentage de la population, par exemple, joue un rôle absolument majeur dans la définition de la quasi-totalité des politiques publiques. C'est le levier de réalité des politiques publiques dans les États démocratiques. Qui sont très souvent contraires au sens commun et contre lesquels nos intuitions se rebellent. Et j'avais trouvé assez juste cette idée de Bouvresse qu'il n'y a pas que la psychanalyse, il y a aussi ça, ce réel qui se fout totalement de ce que nous en pensons. Au point, comme vous savez, qu'il y a une épistémologie probabiliste, une épistémologie qui repose sur les probabilités et les statistiques, une analyse du réel qui essaie de contourner totalement la question du sujet qui pense le réel, en essayant au contraire d'avoir une approche fréquentiste, probabiliste des choses, de manière à ce qu'on ne parle que du réel tel qu'il se produit et qu'il se répète, en s'économisant toute considération sur la façon dont nous le catégorisons, le pensons, sans faire intervenir un sujet à proprement parler de la connaissance. Alors, là, on arrive à un degré d'humiliation qui explique des réactions extrêmement violentes, de rejet hautain, de la notion même de psychothérapie, d'évaluation, etc., dans notre milieu. C'est que les psychothérapies standardisées s'appliquant à des symptômes standards présentent justement un certain nombre de régularités extrêmement fortes, que je vais énumérer tout à l'heure, qui ne sont pas celles que les gens croient, mais qui sont néanmoins très constantes. Et ça a été la force de Wampold de le rappeler dans les années 80, contre tout un courant qui était très très très hostile aux psychothérapies, qui était très très en faveur de l'abandon même des psychothérapies et du remplacement de l'intervention psychothérapique par les interventions à base de médicaments. Je crois qu'il y a même un texte de de Stein qui dit « Si on demandait à la Food and Drug Administration de labelliser les psychothérapies, il n'y en aurait simplement aucune qui obtiendrait un label. Tandis que pour les antidépresseurs, nous savons pourquoi ça marche et nous savons... 30 ans après, on est dans la situation exactement inverse, hein, c'est-à-dire que personne ne sait pourquoi les antidépresseurs marchent. On est à peu près certain que ça ne marche pas, ou que si les gens qui les prennent vont mieux, c'est pas à cause des antidépresseurs, hein, quand on prend une enquête en population générale, et qu'en revanche, comme je vous montrerai tout à l'heure, les psychothérapies sont aujourd'hui considérées comme parmi les traitements médicaux les plus efficaces qui existent, hein, par rapport pour les, dans le calcul qui sont faits aujourd'hui. Tellement efficaces d'ailleurs que c'en est presque inquiétant. Quelle qu'elle soit, c'est ça le point fondamental, quelle qu'elle soit. Il n'y a aucune psychothérapie qui, dans aucune indication, ait jamais fait la preuve de sa supériorité sur une autre, ou alors dans une marge d'erreur qui fait que c'est probablement un facteur extérieur à la psychothérapie elle-même qui entre en ligne de compte. Alors, ce qui me paraît important de signaler à nouveau, je fais entrer comme ça progressivement des idées par la bande pour vous donner l'idée des choses. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'au fond, je crois qu'au, enfin, c'est une de mes marottes, mais il me semble qu'au XXe siècle, les psychothérapies tiennent assez bien une grande partie du rôle pour une appréciation de ce que c'est que la sociologie, notre sociologie, de ce que pouvait être la religion, par exemple, chez Max Weber. Vous savez peut-être pas, mais je vous le raconte comme ça, que Max Weber explique très bien que pour comprendre ce que c'est que la situation d'une époque, il ne faut pas s'intéresser aux philosophes ou aux écrivains. Parce que s'intéresser aux philosophes ou aux écrivains, c'est s'intéresser à une toute petite minorité, une toute petite élite, elle-même extrêmement éduquée, qui valorise sa propre, son caractère d'élite à travers des représentations philosophiques et littéraires. Pour comprendre ce que c'est, pour saisir ce que c'est que l'esprit d'une époque, dit-il, il faut s'intéresser à la religion, parce que la religion, elle ne laisse personne dehors, et elle impose à chacun des membres de la société des représentations, des rituels, des conduites dont aucun ne doit être excepté. Et que les conflits qui portent sur la religion sont des conflits qui permettent de traduire beaucoup plus réellement les conflits d'esprit qui agitent une société que les conflits entre écoles philosophiques, par exemple, ou entre écoles littéraires. Alors je crois, sans faire trop d'hypothèses d'ailleurs sur le déclin de la religion ou des choses de ce genre, qu'au XXe siècle en tout cas, les consommateurs de psychothérapie, c'est-à-dire les classes moyennes des pays démocratiques, qui ne sont peut-être pas la majorité sur la planète, mais qui en tout cas sont la majorité des gens qui produisent la richesse, le savoir, la culture, etc., et qui la consomment également, la psychothérapie est le lieu où s'est exprimé précisément ce rapport à soi, cette prise en charge de soi-même et du mal-être, qui, dans les siècles passés, dans ceux qui examinent Max Weber, était plutôt pris en charge par la religion. Et que donc la psychothérapie est devenue un phénomène de masse, réellement de masse. En tout cas, dès les années 50, aux États-Unis, et dans la deuxième moitié du XXe siècle, absolument partout. Ce qui a permis justement des études statistiques extrêmement puissantes, portant sur des milliers, des milliers, des dizaines de milliers de gens dans tous les pays du monde. C'est vraiment important de penser que la psychothérapie est un phénomène de masse. Parce qu'elle peut bien être vécue par chacun des individus comme une expérience strictement privée, même la façon dont chacun le vit de manière strictement privée, fortement contrainte socialement, et obéit à des types très spéciaux de représentation de ce que c'est que l'expérience privée, l'expérience intime et ultra-subjective de ce que c'est que faire une psychothérapie. Mais dans l'ensemble... que ce soit les machins existentiels des Américains, les Kleiniens de Londres ou le Lacanien parisien standard, le psychothérapie, non mais ou que ce soit des gens qui font des thérapies cognitives ou comportementales en privé depuis longtemps, etc. Chacun a bien le sentiment de prendre en charge une certaine dimension de la personnalité, de la singularité des patients et de répondre à des questions qui sont des questions extrêmement générales, qui s'expriment à travers des symptômes relativement communs et ressemblants, et donc de participe en ce sens à un fait social. La psychothérapie, c'est un fait social que j'ai envie de dire, un fait social total, il faudrait le penser en termes haussiens, hein, qui est la constitution de ce rapport à soi, du malaise dans lequel on est par rapport à soi-même, et de la recherche ritualisée, socialisée, de diverses solutions possibles, et je pense qu'il y a un nombre limité de psychothérapies possibles. C'est pas parce qu'on peut en faire 400, on peut en énumérer 500, qu'elles ne correspondent pas à des formes extrêmement contraignantes dans lesquelles on passe par les mêmes étapes, où on en vient à dire le même genre de choses, à rencontrer tel et tel type d'obstacles, etc., etc. Et ça, c'est très contraint socialement. Ce serait d'ailleurs évidemment un objet que je ne ferai pas, mais qui est un objet en soi fascinant pour la sociologie, de faire une véritable recherche anthropologique sur le fait psychothérapeutique en l'envisageant comme un fait social total dans les sociétés contemporaines avancées, individualistes. Alors, mon premier point consiste à dire que si on se confronte au fait psychothérapeutique, et notamment ce qui heurte constamment beaucoup d'entre vous, à la crudité de la demande psychothérapeutique, c'est un terme sur lequel je vais revenir, auquel les plus jeunes sont confrontés, ceux dont le travail parmi vous est à la limite du travail social, parce qu'il ne s'agit pas simplement de prendre en charge les gens, mais en fait, c'est des confrontations assez directes avec la misère du monde, des choses de ce genre. Mais même dans des milieux qui paraîtraient comme ça plus éduqués, la disparition de la psychanalyse est souvent perçue à travers cet effet spécifique que la demande thérapeutique est d'une crudité épouvantable. Le monsieur arrive, il met son zizi sur la table, il dit « voilà, ça marche pas, faut m'arranger ça ». Et vous avez en gros 5 séances, sinon vous voyez plus le bonhomme. Bon. Et c'est, je trouve que c'est quelque chose d'une... qui est, alors ça se rencontre peut-être moins à Paris, mais en tout cas, les gens qui exercent en province le rencontrent, le prennent comme une claque dans la figure. Cette espèce de dureté de la demande psychothérapeutique est vécue de manière extrêmement traumatisante. D'un autre côté, les gens restent, semble-t-il, extrêmement sensibles à la dimension de soins personnels, qui est très très fortement valorisée, de relations hyper personnelles avec les individus qui s'occupent d'eux. Ce qui montre bien qu'aucune psychothérapie dans les sociétés dans lesquelles nous vivons, ne peut être totalement impersonnelle, et aucune psychothérapie ne peut être complètement objectiviste. Il y a toujours une forme de dosage particulier qui est la balance à maintenir à l'intérieur de chacun d'entre nous, entre nos exigences de singularité et nos exigences de normalité. Si, pour vous, individuellement, vous dites « ah oui, mais moi je me fous d'être normal, je veux bien être singulier », vous n'avez qu'à penser à vos enfants. Vous voulez pas que vos enfants soient normaux ? Vous voulez qu'ils soient singuliers seulement ? Donc, en général, ça refroidit bien les appétits de singularité, là, comme ça, parce que pour soi-même, on veut bien être singulier, mais quand c'est ses enfants, alors là, on voudrait aussi qu'ils soient normaux, mais quand même singuliers. Donc, c'est ça qui... c'est cette espèce de balance, comme ça, entre deux types de repérage, comme ça, qui sont... à la fois contradictoires et constamment mêlés, et qui ne sont pas du tout le propre, d'ailleurs, de la psychothérapie. La psychothérapie les met à un point d'exacerbation, c'est incandescent. Mais si vous parlez à un cardiologue, le cardiologue, il va vous dire la même chose. Hein, c'est que son patient, il veut être traité vraiment par la science, etc. Mais en même temps, il veut avoir un rapport absolument privé et personnel avec son médecin. Il veut les deux. Et donc, c'est assez général, parce que c'est une tension interne à la demande de bien-être dans les sociétés individualistes. Il en ressort néanmoins qu'il y a une tendance pour les psychanalystes à récuser la réduction de leur pratique à la psychothérapie. Disons que la psychothérapie, les gens psychanalystes veulent bien avoir des effets psychothérapeutiques, mais ils ne veulent surtout pas qu'on s'imagine qu'ils les poursuivent, ces effets psychothérapeutiques. J'étais invité récemment à un colloque comme ça qui s'appelait la guérison par surcroît. Alors, par surcroît, là, ça va. Hein. C'est pas trop déclassant. Parce que quand même, il y aurait quelque chose d'un peu sale dans l'activité psychothérapeutique. Probablement, chez beaucoup de gens, mais je pense pas que ce soit vraiment je vais vous dire, c'est la première explication qui vient, parce que c'est pas élitiste. Psychothérapeute, tout le monde peut être psychothérapeute, mais enfin, pour être psychanalyste, il faut avoir fait une psychanalyse, etc. Une des choses effectivement très frappantes avec les psychothérapies, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir en faire une. Pour faire pratiquer des thérapies cognitives ou comportementales, ou pour être comportementaliste, vous n'avez pas besoin d'en avoir fait. Donc vous n'avez pas cette espèce d'auto-célébration de la singularité dans l'acquisition du savoir-faire, qui est une des contraintes sociologiques sur le devenir psychanalyste, qui est très, très, très frappant. Mais enfin, même si c'est un peu sale d'être psychothérapeute, ce que je voudrais vous proposer, proposer à votre réflexion, c'est qu'il n'en reste pas moins qu'on traite des individus qui sont les individus de masse, qui sont des individus de masse, qui sont soumis à des contraintes extrêmement réelles de fonctionnement et de bon fonctionnement psychique, par exemple, qu'ils ne choisissent pas, qui ne relèvent pas du tout du caprice, mais qui font que, quand ils se trouvent confrontés à un gosse qui ne peut pas suivre à l'école pour des raisons X ou Y, ou à des symptômes qui sont complètement invalidants dans la vie quotidienne de ce qui, justement, n'est pas du tout la vie du sujet, mais la vie de l'employé ou du prof ou de la maman avec un enfant en bas âge ou des choses de ce genre, les met dans une situation de désarroi, de détresse extrêmement profond. Alors, on dit toujours, mais bien sûr, on sait que les gens souffrent, on ne tient pas pour rien leur souffrance, on veut juste indiquer. Très bien. Je pense qu'il y a néanmoins à apprécier dans l'exigence de faire de la psychothérapie une contrainte qui est une contrainte qui s'impose dans la psychanalyse à cause précisément de la situation historique qui est la nôtre, à cause du type de gens qui s'adressent à nous et à cause justement du réel pas très agréable de la condition des individus qui souffrent et qui viennent demander des analyses. C'est-à-dire que récuser totalement l'idée qu'on voudrait faire de la psychothérapie, c'est récuser un réel bien précis qui est celui des gens qui viennent nous voir et qui ont besoin d'être soignés pour survivre. Il y en a un symptôme très amusant, comme ça, c'est que tout le monde s'en était pris à Onfray, quand Onfray disait « Ah oui, mais Freud, il ne soignait que des millionnaires, et il prenait des sommes extravagantes, des 300, des 500 euros, etc. » Je regardais avec consternation les gens, les psychanalystes, les autoproclamés historiens, qui disaient « Mais non, ils s'occupaient de gens gratuitement, etc. » Parce que ça fait 20 ans que tout le monde sait qu'ils ne soignaient pas des millionnaires. Il soignait des milliardaires. Le prix des séances n'était pas 300 euros, c'était 1000, 2000, 5000 euros. Il soignait les rois du pétrole, il soignait la jeune homosexuelle, là, c'est Margaret Xonka. Son père, c'était le roi du pétrole de Hongrie. Le montant des honoraires était phénoménal. Freud faisait vivre 20 ou 30 personnes avec ses revenus. Il payait des études, etc., à tout le monde. Bon. Il ne gardait pas l'argent à proprement parler pour lui, mais les sommes étaient gigantesques. Quand on voit les niveaux de revenus des gens... Bon, alors ensuite, il y a un truc plus méchant, consiste à dire quand les gens étaient ruinés, ils ne s'en occupaient pas. Bon, c'est peut-être pas tout à fait si vrai que ça. Mais en tout cas... Le montant des séances était très très élevé. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Aller défendre Freud comme ça, c'est pas vrai. Non, Freud, il a soigné des gens. Elfriede Hirschfeld, par exemple. Enfin, c'était des gens, des banquiers. Et puis quand ils ne pouvaient pas faire soigner ces Freud, ils allaient à la clinique de Bellevue. Donc il suffit de regarder les photos de la clinique de Bellevue. L'équivalent d'une journée d'hospitalisation à la clinique de Bellevue, c'est à peu près 5000 euros d'aujourd'hui. Les gens payaient 5000 euros par jour. Ensuite, ils allaient en calèche pour se faire aller leur séance, puis ils retournaient dans leur appartement à la clinique de Bellevue. Donc on est dans un univers qui n'a strictement rien à voir avec... Alors évidemment, tout ça a sombré dans le dernier ridicule. Non, il ne soignait pas des millionnaires, c'est une erreur de croire ça. Il soignait des milliardaires. C'est pas le seul d'ailleurs, hein. Il y avait plein de très très grands médecins qui le soignaient. Charcot avait donné l'exemple, il y avait des gens qui gagnaient encore plus d'argent qu'eux. À Berne, là, Dubois, hein, Dubois, dans la clinique de Berne, c'était des tarifs encore supérieurs. On n'est pas du tout dans le même esprit que celui qu'on croyait. Bon, je laisse ceci entre parenthèses, mais c'est juste un truc qui m'avait effrayé, comme ça, de voir... C'était un peu ce qu'il avait opposé à Adler. Alors, c'est ce qu'il a opposé à toute la gauche, freudienne. Hein. Non seulement Adler, mais après aussi, même Fenichel, hein, des gens comme ça, qui étaient plutôt partisans, qui étaient des marxistes en secret, parce qu'il ne fallait pas se montrer marxiste dans ce milieu-là trop tôt. Voilà, qui étaient beaucoup plus disposés à faire de la psychanalyse une sorte d'instrument de libération des masses. Alors, je reviens à mon propos en disant que qu'est-ce que c'est pour nous se confronter très cruellement à la demande psychothérapeutique. Et à nouveau, ben voilà, je m'appuie sur votre âge et sur vos pratiques, etc. C'est retrouver un problème que Freud a formulé de la façon suivante. Il oppose la névrose actuelle à la névrose de transfert. Pourquoi je recours à cette chose-là? Parce que finalement, le premier geste de la psychanalyse, ça consiste à démembrer la neurasthénie pour en extraire la névrose d'angoisse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire prendre une maladie qui est une maladie d'époque, une maladie de culture, la neurasthénie, et tenter dans cette neurasthénie d'extraire quelque chose qui va pouvoir être psychothérapeutiquement manipulable selon les concepts de la psychanalyse en formation. Une des conséquences de cette distinction entre la névrose actuelle et la névrose de transfert, c'est qu'on ne peut pas dire que les névroses de transfert, au sens psychanalytique du terme, ont une existence sociale. Elles n'ont pas une existence sociale, elles ont une existence de par construction à l'intérieur d'un certain type de relation qui s'appelle le transfert, qui est construit de manière artificielle, et comme un étage supplémentaire, une distorsion très spécifique, d'une manière d'aller mal, qui, elle, se présente avec des régularités qui sont des régularités de type social. Dans la neurasthénie du 19e siècle, de la fin du 19e siècle, vous trouvez en effet la quasi-totalité de nos troubles anxio-dépressifs, plus des tas de machins psychosomatiques, et ce fond de malaise lié à la culture, à la civilisation, qui somatise, etc., et qui sert de toile de fond à l'éclosion du reste des pathologies mentales. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de paranoïaque ou pas de dément précoce, etc., qui à un moment dans son tableau n'en passe pas par la case neurasthénie, qui est celle par laquelle il communique tout simplement avec le reste des gens qui sont autour de lui et participe dans sa et qui fait que sa condition morbide est une condition socialisée, une condition où on devient malade, on tombe malade psychiquement, on sombre dans la dépression, dans la manie, dans la mélancolie, etc., par des voies qui passent par la case neurasthénie. Et qui rendent lisible le désordre, le malaise, comme un malaise de type psychologique. Comme vous savez aujourd'hui, l'opérateur, la plateforme par où tout le monde passe, c'est la dépression. Quand vous êtes dans un service d'urgence psychiatrique et que vous y arrivez quelqu'un qui dit « Ah docteur, je suis déprimé », ça peut être tout. Ça peut être une alcoolique en chute. Ça peut être un maniaque qui a raté un médicament, un schizophrène, etc. Ça peut être absolument n'importe quoi. Mais le signe d'appel, c'est « je suis déprimé, je suis dépressif ». Voilà. Ou vous voyez des gens qui ont fait des délires, par exemple, comment ils décrivent ce qu'ils ont fait? « J'ai fait une grosse dépression hein ». Mais c'est extrêmement frappant parce que c'est comme ça qu'il faut entendre ce que devait être, tout simplement, la première grande pathologie civilisationnelle qu'a connu le monde, hein, qui s'est étendu partout, hein, de l'Amérique au Japon, à la Russie, etc., qui était la neurasthénie. En extraire la névrose d'angoisse, la traiter comme une névrose actuelle, travailler à sortir par des opérations extrêmement précises quelque chose qui va s'appeler une névrose de transfert, est une opération sur laquelle on devrait constamment réfléchir quand on est confronté aux premiers entretiens. Quelqu'un qui vient voir un psychanalyste aujourd'hui ne lui montre qu'une névrose actuelle. Il dit « je suis déprimé, je bois, j'ai des attaques de panique, etc. » Et si vous écoutez bien, vous allez trouver énuméré là, mais finalement dans la liste des névroses actuelles, toute une nosographie qui est parfaitement compatible avec une description en termes de DSM. C'est-à-dire des symptômes qu'on a, qui font chier, hein, qu'on a, on les a, ces symptômes. C'est des trucs qu'on a, qui vous parasitent la vie, qui vous bouffent la vie, etc. Et qui existent sans qu'il y ait la moindre espèce de possibilité dans un très grand nombre de cas. Hein. Je ne dis pas toujours, il y a toujours des gens qui demandent des analyses pour faire des analyses, mais c'est... Voilà. Et ce point-là me paraît extrêmement important parce que beaucoup de psychanalystes adoptent une position extrêmement négative à l'égard du monde contemporain parce qu'ils se disent « mais voilà des gens, ben, ils sont des névroses actuelles, mais quand on leur propose le transfert, ils disent non. » C'est-à-dire qu'ils récusent le transfert. Ils ne veulent pas s'engager subjectivement dans une réflexion, etc. Alors, ils n'ont pas de capacité de mentalisation, disent les Américains. Le sujet est en crise, disent les Français, je sais pas quoi. Toujours est-il qu'il y a une vraie difficulté à confronter à l'intensité du caractère actuel des symptômes, au sens d'une névrose actuelle, à en permettre une élaboration, je dirais, de type transférentiel, au sens où on arriverait à transformer cette névrose actuelle en ce dont nous avons l'habitude, hein, c'est-à-dire des névroses de transfert, une hystérie, voilà, une névrose obsessionnelle, au sens de la psychanalyse. Ça a plein de conséquences. Ça a plein de conséquences. Notamment, une des conséquences très importantes, c'est que plus on avance dans la carrière, plus on va faire un métier qui peut paraître comme ça plus gratifiant, dans la mesure où on va voir venir vers soi de plus en plus des gens qui ont envie, qui demandent des analyses. Mais ce qui fait manger les jeunes, les gens qui commencent leur carrière, ceux qui travaillent en institution, c'est pas des gens qui demandent des analyses. C'est pas des parents qui veulent qu'on psychanalyse leurs gosses ou qu'on psychanalyse leur famille, etc. C'est de moins en moins ça, à mesure justement où vous êtes au plus près du vrai lieu stratégique, de là où il faut être pour comprendre ce que la psychanalyse aujourd'hui, c'est-à-dire un travailleur social. Quelqu'un qui est au bord, dans le travail social. C'est ça qui est là où vous rencontrez justement le caractère pathétique de la condition des individus qui souffrent aujourd'hui. Et la difficulté auquel je voudrais m'adresser cette année, c'est ça. C'est au fond l'opération que fait Freud au départ en fabriquant une névrose de transfert à partir de la névrose actuelle. C'est une opération qui est constamment à reprendre pour des raisons anthropologiques, pour des raisons de condition de la société, pour des raisons de... Et c'est là où, effectivement, il y a une activité de transformation de la psychanalyse qui est en jeu. La crudité de la norme psychothérapeutique, du coup, quand on écoute les gens qui sont confrontés à ces situations-là, c'est quoi ? C'est que c'est une demande persécutive. Il y a deux formes. La première forme, c'est qu'elle est persécutive. Ce qui fait que le thérapeute est à la fois supposé tout-puissant et rendu très rapidement impuissant. L'impression comme ça qu'il y a monsieur machin, vous allez me sauver, hein, suivi extrêmement rapidement, enfin dans des délais qui rendent très très complexe de comprendre la situation d'un point de vue analytique, par un « je fous mon argent par les fenêtres, vous êtes un escroc, un imposteur, on ferait raison dehors. Bon. » C'est extrêmement difficile d'échapper à cette alternative, en particulier parce que elle est placée sous le signe du clivage. Elle est placée sous le signe d'un clivage extrêmement puissant C'est pour ça que je parlais tout à l'heure du symptôme comme parasite du moi. C'est que le symptôme, il est présenté clivé. J'ai ma crise de panique, il faut que vous me débarrassiez de ma crise de panique. J'ai mon TOC. Dans des syntaxes, d'ailleurs, quelquefois, vous avez un pronom personnel et on vous donne tout de suite ma dépression, des choses comme ça. Je suis alcoolique, avec des espèces de collages dans lesquels il y a moi d'un côté, puis il y a mon symptôme de l'autre, et la copule finalement unit le symptôme et la personne d'une façon complètement extérieure. C'est un jugement infini, une sorte de distance incroyable. Encore plus embêtant pour les gens qui travaillent dans les institutions pour les enfants, c'est quand l'enfant vous arrive, que, comme on vous a appris à l'université ou dans vos contrôles, n'est-ce pas, l'enfant c'est le symptôme des parents, oui c'est vrai, c'est toujours le symptôme des parents, d'accord. Sauf que là, le problème, c'est que l'enfant est effectivement présenté comme le symptôme des parents, comme un objet qui vient être posé au milieu de la consultation, et avec le sentiment extrêmement angoissant pour le praticien, que le clivage, le « voilà mon enfant, voilà mon symptôme » est inintendable par la personne même qui présente son enfant. Et il n'y a pas, au sens, c'est ça ce que j'appelle le fait que la psychanalyse n'est plus un fait moral total, c'est qu'il n'y a strictement rien dans la culture, dans le discours, dans les références morales ordinaires, qui permettent aux gens de se poser simplement la question, de se dire, mais si c'est mon enfant, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai voulu. D'ailleurs, ça vous donne un peu une indication sur la valeur de la phrase « je veux un enfant aujourd'hui ». On l'a voulu, mais une fois qu'il est là, c'est comme s'il était tombé en dehors de la sphère du désir, comme s'il n'était plus porté par une activité fantasmatique ancienne, des choses comme ça, il vous est présenté en dehors. Et ça, c'est un clivage. Il y a mon moi, et puis il y a mon symptôme de l'autre côté. Et c'est pour ça, c'est précisément pour cette raison que les praticiens qui viennent, comme ça, les jeunes praticiens qui viennent en contrôle, même les vieux qui acceptent encore de voir des pauvres, viennent se plaindre que leur clientèle les met dans une souffrance extrêmement grande parce que elle les place dans des positions de toute puissance qui ne sont jamais si analysées que ça chez chacun d'entre nous, pour ensuite les précipiter dans des positions d'impuissance avec une sorte de rapidité où ils ont du mal à reconnaître dans le clivage qui les traverse, le clivage qui traverse la construction même du rapport de l'individu à son symptôme. Cette alternation depuis une impuissance et toute puissance est le reflet du clivage de l'individu par rapport à son symptôme, qui est son parasite, dans lequel ça n'est pas un message, son symptôme, ça n'est pas l'occasion d'une expérience de vérité, ça n'est rien du tout comme quelque chose où il aurait pu être impliqué un moment dans son désir et pris par surprise par les conséquences du machin qu'il a fabriqué pour se défendre d'une angoisse. Vous dites ça aux gens, ils ouvrent des yeux comme des soucoupes. Et ça place dans une... Effectivement, ça empêche de penser quand on est confronté à cela. Donc la crudité de la demande psychothérapeutique, c'est ça sur quoi je veux insister, c'est qu'est-ce qu'on fait devant cette situation. Deuxième cas de figure qui me paraît symétrique et inverse, mais du premier, c'est quand c'est pas tellement le moi qui est parasité par un symptôme, mais c'est quand c'est le symptôme qui est parasité par un moi. Et quand la demande psychothérapeutique atteint ce degré, alors là, cette fois, non pas persécutant, mais déprimant, que les gens viennent vous demander de les débarrasser de la subjectivité qui gigote encore dans le symptôme qui occupe l'essentiel de leur vie. Alors ça, c'est pas la dimension persécutive qu'on ressent. C'est de se dire, mais au fond, voilà, cette personne est en train de me demander de l'aider à mourir psychiquement. Parce que la perversion dans laquelle elle est engagée, le type de toute puissance maniaque qu'il déploie dans telle ou telle situation, et qui effectivement, dans ses moments de tendresse, le fait déraper, tomber amoureux, faire des enfants, etc., etc., il n'en veut plus. Voilà. Il appelle à ce qu'on en débarrasse Par exemple, c'est une chose très intéressante dans les travaux d'Émilie Martine, pour pouvoir rester congruent avec un idéal de l'hyperactivité, par exemple, qui est absolument majeur. Ou bien du toxicomane, ou bien de la personne automutilatrice qui dit qu'elle veut aller mieux, mais pour elle, aller mieux, ce serait fondamentalement mourir subjectivement à la série d'actes catastrophiques qu'elle s'inflige elle-même. Dans ce cas, l'effet sur l'analyste, il est plus persécutant. Il est déprimant. Parce que c'est extrêmement difficile de se retrouver placé dans une position psychothérapeutique tout en... pendant que ce qu'on vous demande, c'est une euthanasie de ce qui pour vous représente au fond ce qu'on devrait sauver. C'est-à-dire le moi. Le soi, ou le sujet, ou je ne sais pas quoi. Alors, pourquoi j'insiste là-dessus? C'est parce que vous reconnaissez, dans ma manière de présenter les choses, deux concepts clés. La position schizoparanoïde, la position dépressive, et qu'elles me paraissent être très directement liées au clivage intense de la séparation du bon et du mauvais objet, du symptôme et du soi, du côté du patient. Ce sont deux modalités, finalement, du clivage qui, en réponse, déclenchent des réactions particulièrement pénibles, mais symétriques et inverses du côté du patient. Ce que je veux dire par là, c'est ceci. C'est que si les gens ne demandent pas de psychanalyse ou ne demandent plus de psychanalyse, c'est pas du tout que nos concepts sont complètement éliminés, etc. Ça n'est pas non plus que, au fond, il y aurait une sorte de douleur à ce que la dimension élitiste de la psychanalyse, l'idée de sujet, voilà, soit en cause. Comme je vous l'ai dit bien des fois, je suis pas du tout d'accord pour dire qu'il faudrait que ce qui caractérise le monde contemporain, c'est qu'il n'y a plus de sens pour l'existence au sens de la tragédie subjective ou des choses comme ça. Je ne vois pas du tout pourquoi les gens devraient avoir des existences subjectives tragiques. Je ne vois pas où est la perte. Je veux dire, il faut vraiment avoir une vie très peu tragique pour en souhaiter une aux autres, hein, de sens où il y aurait comme ça quelque chose de bien dans cette espèce de vision existentialiste de la... qu'on trouve chez le jeune Lacan, Lacan des années 50, pourquoi ça devrait être normatif? Non, ce que j'essaie de faire, c'est d'essayer de prendre dans sa substance même cette douleur qu'inflige la crudité de la demande psychothérapeutique, et de faire remarquer qu'au fond, elle est extrêmement compréhensible dans des termes kleiniens. Elle est compréhensible dans des termes kleiniens parce que quand vous vous sentez complètement déprimé ou complètement persécuté, dans des sentiments de toute puissance qui en fait vont virer instantanément à l'impuissance et qui sont déjà des manières de vous réduire à l'impuissance, avec le pouvoir qu'on vous prête, par exemple, ou bien quand on vous fait des demandes d'accompagner la mort de tout ce qui vaut le coup, le fait que ça nous mette dans cet état-là montre bien qu'il y a là quelque chose de l'identification projective qui est très directement au travail et qui conditionne les positions des individus. Et du coup, la souffrance psychique en question, c'est une souffrance psychique qui est significative psychanalytiquement. Voilà pourquoi, à mon avis, bien loin d'être la psychanalyse n'a plus de public ou de genre, etc. Au contraire, ce sont des concepts psychanalytiques qui doivent nous permettre de penser l'état dans lequel nous met cette demande extrêmement crue des individus contemporains. Et mon développement suivant, tout simple, c'est de s'appuyer sur Bion, dans la différence justement qu'il y a entre Bion et Mélanie Klein, pour réfléchir à ce que c'est que ce que nous savons, ou ce que la théorie nous dit, ce que un certain type de clinique aussi nous indique, sur ce qu'on fait dans ces états où les patients sont vécus sur ce mode tantôt persécutif, tantôt déprimé. Une remarque, alors je dirais un petit peu la différence, il faut que je les rappelle pour ceux qui ne les connaissent pas exactement. Je parlais d'identification projective. Chez Mélanie Klein, pour aller très très vite, le déni, le clivage, identification projective, sont des mécanismes de défense archaïques. Chez Bion, l'identification projective, ce n'est pas nécessairement pathogène ni pathologique. L'identification projective, elle est cette façon de se vivre, de se vivre dans l'autre, de se projeter dans l'autre, qui n'est pas nécessairement une expulsion de soi, mais qui est une des conditions de la réponse contre-transférentielle dans la rencontre thérapeutique. Bon, je vais très rapidement là-dessus. Maintenant, l'écriture, vous savez, fondamentale chez Bion, enfin le matem, si j'ose dire, que Bion ne cesse de décliner, hein, qui est un peu, Bion, c'est tout ça, tient entièrement dans cette écriture, c'est une flèche à deux extrémités, hein, qui indique une réciprocité qui unit la position schizoparanoïde et la position dépressive. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que c'est quelque chose que vous ne trouveriez pas chez Mélanie Klein, pour qui la position schizoparanoïde est systématiquement rangée du côté du mal et la position dépressive du côté du bien. C'est-à-dire, d'un côté, il y a la pulsion de mort, de l'autre côté, il y a les intrications érotiques, et c'est la réparation, etc. Et qu'il y a un devenir, une intégration du soi qui se produit dans le passage d'une position à l'autre par le deuil, l'identification narcissique, enfin toutes sortes de choses en fonction de... Je ne développe pas ce point. Bion est en complète rupture par rapport au freudo-kleinisme, en ce sens que chez lui, les positions sont systématiquement, dialectiquement articulées. Une chose très importante et qui aide beaucoup, je trouve même dans l'expérience commune avec ces patients qui arrivent, qui sont absolument pas faits pour la psychanalyse, quoi, qui sont persécutants ou déprimants, c'est de se dire qu'au fond, quand un patient vous persécute, ben c'est déjà qu'il arrive à vous persécuter, avec sa demande de toute puissance et d'impuissant patient. C'est qu'il y arrive. Autrement dit, ce que dit Bion, c'est qu'il n'existe pas de position schizoparanoïde qui ne soit pas déjà en elle-même le résultat d'une intégration. De la même manière qu'il n'existe pas de position dépressive qui ne soit, par beaucoup de ces dimensions, quelque chose qui peut devenir potentiellement persécuteur, et destructeur de l'identité. Et ainsi, c'est quelque chose de très remarquable de prendre le temps. De prendre le temps de se laisser persécuter par des demandes de toute puissance. C'est-à-dire d'accepter que ce cycle de demandes de guérison, puis de rejet scandalisé, en s'étalant sur un certain nombre de mois, et parfois, on a cette expérience-là, d'années, dans une famille, avec des patients, ces fameux patients dits très très difficiles, dans lesquels vous êtes soumis à une attaque en permanente, de considérer que si l'autre réussit à vous attaquer, c'est que déjà un travail psychique s'est entamé chez lui. Et un travail psychique qui vous est, auquel vous êtes absolument aveugle, puisque justement l'attaque sert à vous empêcher de le penser. Elle sert à empêcher l'autre de voir en quoi il pourrait être un secours. C'est pour ça qu'on le persécute. Il suffit de regarder une maman avec un enfant difficile pour voir ce genre de mécanisme, mais simplement d'accepter que c'est aussi le cas pour l'éducateur, pour le psychanalyste qui est au travail. Et de ne pas oublier non plus que lorsque quelqu'un est extrêmement vous déprime, mais quand il vous déprime en demandant finalement à ce qu'on le débarrasse de sa subjectivité, qu'est-ce qu'il fait ? Mais c'est qu'il vous fait un cadeau. Il vous met à la place du contenant de ce qu'il n'arrive pas à contenir. C'est-à-dire que la dépression qui est en vous, c'est une dépression qui vous fait du mal, qui vous déprime, sans que vous... Du coup, vous ne devenez plus capable de voir que c'est précisément cette dépression contenante-là que l'autre n'arrive pas à fabriquer. et que vous n'arrivez pas nécessairement à lui rendre. Alors ça peut paraître comme ça extrêmement énigmatique, mais je voudrais, pour vous en donner une idée, vous indiquer un vieux truc de la psychiatrie française à l'époque où il n'y avait pas... Il y avait du lithium, et que le lithium, quand les gens étaient... Bon, ça ne marchait pas toujours, quand on était devant un maniaque en crise. Ce vieux truc, c'est une manœuvre, hein, comme il y avait des manœuvres chez Clérambeau, etc. Ce vieux truc, vous connaissez, j'ai dû le raconter déjà, c'est, ça consiste devant un maniaque en crise qu'on ne peut pas médiquer, qui part, j'ai dépensé des milliards, etc., à adopter une position de totale dépression. C'est épouvantable ce que vous me racontez, mais c'est terrible ce qui veut dire. J'ai dépensé des milliards. Oh, mais mon Dieu, ça a dû être affreux. Ce que c'est... Et l'expérience des cliniciens qui utilisaient ce procédé, parce qu'on n'avait guère que des procédés de ce genre, hein, pour tasser les malades, et leur rapport est constant. Au bout d'une demi-heure, des gens qui étaient partis dans un pic comme ça se mettaient en état mixte. Ils commençaient à se mettre à pleurer. Ils commençaient à être atteints par sentir la tristesse de la caractère absolument tragique de ce qu'ils étaient. Et c'était comme ça qu'on réussissait à amener dans un état où ils pouvaient enfin dormir et manger un certain nombre de patients qui étaient partis dans des états d'élation extrêmes. Et uniquement en adoptant, en forçant l'irruption, l'état mixte, par une réception de l'explosion maniaque sur un mode délibérément dépressif. Je dis ça parce que c'est un truc auquel il faut toujours avoir... ça a marché, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, je trouve que c'est une, au moins comme symbole dans une technique psychothérapeutique, ça permet d'entendre le fait que quand vous êtes super déprimé par les gens, mais... Au fond, il n'y aura rien d'autre que leur rendre, difficilement peut-être, mais de leur rendre cette dépression pour pouvoir leur permettre de contenir le truc qui les détruit. Et c'est là où la flèche entre SP et D prend tout son sens. Parce que c'est cette dialectique, cette réversibilité qui consiste à toujours voir dans l'état le plus délirant. Il y a déjà quelque chose pour qu'on vous communique un état délirant qui fait qu'il a été élaboré et qu'il est déjà, d'une certaine manière, contenu dans une position dépressive. Eh bien, le cœur de cette dialectisation, c'est la flèche qui est là. Et cette flèche, elle correspond tout simplement à ce que Bion appelle le fait choisi. Le fait choisi, c'est le moment... Ou justement par une intuition, qui est la condition de toute interprétation, c'est une intuition, le clinicien va apercevoir dans le divers schizoparanoïde, de manière absolument unificatrice, quelque chose qui est l'embryon de la règle que ce divers suit. Au sens où c'est vraiment une activité intuitive de l'esprit, que de saisir dans cet éclatement schizoparanoïde l'ordre qui s'y cache, l'ordre qui est dans le chaos. Et réciproquement, d'apercevoir dans c'est pas simplement une connexion de l'un et du divers, mais aussi du divers à l'un, hein, c'est-à-dire comment dans une position extraordinairement simplifiée, écrasée sur elle-même, d'une pauvreté formidable, est en fait contenue, mais inconsciemment, toute une richesse qui est celle de la dimension schizo-paranoïde. La possibilité de l'interprétation résulte, aux yeux de Bion, de la juste appréciation de cette articulation dialectique permanente, constante, entre le schizoparanoïde et le dépressif. Ça n'est pas kleinien du tout. Alors, c'est très frappant parce que la pratique de Bion, pour les gens qui le racontent, était une pratique extrêmement kleinienne, et c'est une interprétation sur l'objet partiel. Mais Donc c'était pas très visible dans sa technique, sauf pour les gens qui après ont réfléchi à leurs analyses, ont parlé de leurs analyses avec Bion et ont ensuite compris que c'était parfois pas si kleinien que ça. Mais ce qu'il n'y a pas de kleinien là-dedans, c'est qu'on ne considère pas que le schizoparanoïde du coup serait intrinsèquement négatif, ni le dépressif intrinsèquement positif. C'est exclusivement dans leur interaction et leur intégration mutuelle, et donc dans la possibilité de changer de vertex, c'est-à-dire de voir là où le patient veut vous foutre de la dépression, de voir du schizoparanoïde et réciproquement, de voir du divers dans l'un et de l'un dans le divers, et de produire des interprétations qui ajustent systématiquement les deux dimensions, en les retournant constamment, que se produit l'intégration du soi. Et non simplement dans la direction schizoparanoïde dépressif. Alors, c'est ça, chez Mélanie Klein, si on se dit, cette flèche-là n'existe pas. Là, elle est strictement. Et ça veut dire également que ce n'est plus une logique développementale de l'intégration qui est au travail chez Bion. C'est une logique dialectique dans laquelle ce qui compte, c'est pas le soi qui va intégrer le partiel dans le total, c'est la réciprocation du partiel et du total à chaque moment. Et au fond, s'il y a cette flèche dans le flèche choisi, c'est le fond, la recherche, c'est celle-là où il y a cette dimension mystique chez Bion, c'est le fond sur lequel cette réciprocation devient absolument universelle, la dialectique de ce qui était hiérarchisé chez Mélanie Klein, en fait, va dans les deux sens chez Bion. Et le fond, le tableau blanc, sur lequel toutes ces opérations s'intègrent, etc., et auquel nous n'avons accès que dans le moment de l'intuition du fait choisi, c'est ce qu'il appelle « O », qui est « O » ou « zéro », ce que vous voulez, qui est une sorte de réalité immanente, absolument, etc., dont il fait, selon, bon, je fais tout un séminaire sur Bion, donc je ne vais pas revenir là-dessus, hein, dont il fait l'objet de l'analyse, hein, l'objet de la séance, c'est O. Ça n'est pas l'intégration du partiel dans le total, c'est pas d'arriver à la personne totale, etc. Non, c'est O, c'est-à-dire cet être à l'intérieur duquel toutes les... les concepts de Mélanie Klein marchent dans les deux sens. Alors, pourquoi je fais cet excursus ? Ben, je le fais parce que je crois que ça dit quelque chose du fait que ce qui se passe quand on rejette la psychanalyse ou quand vous avez le sentiment que vous êtes littéralement persécuté ou déprimé par les patients doit être pris en ce sens très simple qu'effectivement, oui, c'est pas vrai, c'est pas faux. C'est une vraie dépression, c'est une vraie persécution, et que néanmoins, la question c'est de savoir si vos analyses vous mettent en état de traiter cette persécution ou cette dépression d'une façon qui vous permette de faire votre travail, même si justement ça vous empêche de penser. Hein, l'état dans lequel vous met le patient, il vous empêche de penser. Mais là, je ne suis plus en train de dire qu'on a changé d'époque et qu'il n'y a plus de psychanalyse possible. La psychanalyse n'est plus possible, certainement comme un fait moral total, expliquant toutes sortes de choses, mais néanmoins, une position schizoparanoïde, une position dépressive, elles sont, je dirais, presque encore plus évidentes, encore plus nues, encore plus crues qu'elles ne l'ont jamais été. Alors, ça donne au travail que je veux entreprendre cette année cette qualité particulière, c'est que pourquoi je vais essayer de faire quelques développements un petit peu épistémologiques sur l'histoire des psychothérapies, c'est que le fait choisi qui doit nous permettre de ne pas être totalement submergé par le côté déprimant ou persécutant des patients contemporains, ce fait choisi, ben j'en propose explicitement une version. Ce fait choisi, c'est, pour la condition qui est celle de beaucoup de nos patients, cette équation que je défends dans La fin des coupables entre l'autonomie et l'autocontrainte. Bon. C'est-à-dire que les individus auxquels nous avons affaire, la modalité même de leur façon de traiter le mal et la pulsion de mort, c'est pas ce qui s'oppose à leur autonomie, c'est ce que leur coûte leur autonomie. C'est le prix qu'ils payent dans leur autonomie qui fait que leur capacité d'autocontrainte, d'auto-accusation, de dépression, d'avoir honte, d'être hypochondriaque, etc., d'être anxieux, et prend la forme de cette affirmation de l'autonomie. C'est une des raisons pour lesquelles je suis scandalisé, et j'ai pu le dire à d'autres, de ce qu'on raconte des parents d'enfants autistes qui sont contre la psychanalyse. Il faut écouter analytiquement ça. C'est-à-dire, il faut bien se rendre compte que les gens qui réclament qu'on élève leurs enfants, qu'on autonomise leurs enfants, qu'ils aient des rapports à égalité avec les thérapeutes, qu'ils décident des structures à l'intérieur desquelles on les soigne, etc., il faut écouter ça non pas comme un discours idéologique contre la psychanalyse, il faut écouter ça pour ce que c'est-à-dire le lieu même où l'autonomie est absolument incontournable, elle s'impose de façon intense à ses parents, ils ne peuvent vouloir que cela à leurs enfants, et c'est précisément par là aussi qu'est produite une intense souffrance. Une intense souffrance qui s'exprime bien souvent dans une très grande violence, hein, puisque vous savez, ils deviennent parfois, il y a des exemples bien connus, carrément persécutants, ils envoient des mails, ils protestent, etc., sans qu'on leur fasse ce crédit qu'ils arrivent à persécuter les psychanalystes. Ils y arrivent. Et qu'il y a là quelque chose qui doit être entendu et sur lequel il n'y a pas lieu de flancher. C'est un processus psychique qui est en cours. C'est un processus psychique qui a besoin qu'on lui réponde par des faits choisis extrêmement déterminés, précis, et surtout pas, comme c'est bien souvent malheureusement le cas, soit par un effondrement dépressif, mais on nous veut du mal, soit par une sorte de contre-attaque idiote, consiste à dire ces gens sont manipulés, etc., une sorte de contre-paranoïa qui, évidemment, montre la faillite, et je pèse mes mots, de l'analyse des gens qui réagissent comme ça. Parce que ça, ce qu'ils réagissent comme ça, c'est qu'ils n'ont pas été analysés. Voilà. En tout cas, qu'ils n'ont pas été analysés au point où j'essaie de vous amener, c'est-à-dire qu'il faut prendre au sérieux le sentiment de persécution et de dépression qu'on ressent devant ce type de choses. Parce que l'autonomie comme autocontrainte, voilà, c'est ça. C'est pas un truc qu'on a choisi, c'est peut-être pas marrant, mais c'est là pour rester. Hein. Que donc les demandes des gens... Alors, voilà, je prends l'exemple des parents d'enfants autistes parce que je suis extrêmement frappé du fait que je trouve que les réponses qui leur sont adressées sont très très peu analytiques. Elles ne font pas l'effort de l'interprétation juste, apaisante, fine de ce et elle se parce que les gens ça les empêche de penser cette agression. Alors évidemment c'est des agressions qui sont souvent tellement violentes que pour penser il faut se cramponner devant ça, mais néanmoins on n'est pas dispensé de la tâche de penser. Le pourquoi c'est, je prends cet exemple là mais j'aurais peut-être dû prendre d'autres exemples parce que celui-là me paraît très frappant étant donné que c'est le milieu carrément des analystes qui se sont attaqués en tant que tels par ce genre de choses. C'est peut-être qu'au fond les névroses actuelles, la liste des névroses actuelles que dresse le DSM, et on pourrait dire aujourd'hui que le DSM c'est la liste des névroses actuelles de Freud en un sens très précis, c'est qu'il le dit comme ça, le DSM. Pourquoi on ne parle pas de schizophrène dans le DSM ? Parce qu'on parle d'une personne avec une schizophrénie. C'est le fondement de cette taxinomie. C'est qu'il n'existe pas de schizophrène. Il existe des gens qui ont des schizophrénies. Et avoir une schizophrénie, c'est comme avoir une valvulopathie. C'est fondamentalement extérieur. Autrement dit, le DSM, il construit l'ensemble des désordres, des troubles psychiques, comme des parasites du self. Qui sont bons à éradiquer et à éliminer un par un. Okay ? C'est donc en ce sens que ces parasites font exister les symptômes comme un mauvais objet clivé et, en quelque sorte, sanctuarisent avec l'appareil de la science, de la taxinomie, etc., le symptôme comme un mauvais objet clivé. Eh bien, ce que je voudrais cette année faire, c'est de penser le problème du psychothérapeutique. Pourquoi il est très difficile aujourd'hui ? Eh bien, c'est parce que ce à quoi nous sommes confrontés, c'est à ce clivage. C'est à ce clivage. Lorsque des gens viennent dire que, leur problème, que leurs enfants qui vont mal ont un problème dans le cerveau, c'est parce que le signifiant cerveau sert à construire un clivage. Il sert fondamentalement à arrimer dans un discours de type rationnel et scientifique le clivage et la séparation, le parasitisme du... Et c'est précisément aussi pourquoi vous avez une menace qui ne concerne pas simplement les psychanalystes, mais même les médecins aussi, parce que même si c'est le cerveau, le mec qui va s'occuper du cerveau, ou bien il va être tout puissant en trouvant la molécule chimique qui va tuer le symptôme, ou bien il va être immédiatement versé dans l'impuissance totale. C'est pas propre à la psychanalyse, nous permet de le réfléchir, mais c'est assez universel. À partir du moment où, et si vous l'étendez, mais c'est vrai pour la médecine somatique aussi bien. C'est vrai pour la médecine. On met les médecins dans des positions alternées de puissance et de toute puissance qui reflètent le clivage et l'existence parasitique du symptôme par rapport au moi, quel qu'il soit. Alors, j'avance en faisant quelques remarques sur le bouquin de Wampold. Pourquoi j'en viens à ce bouquin de Wampold maintenant ? C'est parce que si on ne veut pas se laisser emporter comme ça, on est bien obligé d'aller chercher un fait choisi qui respecte la dimension de réel, y compris dans ce qu'il a de plus désagréable, de ce à quoi on a affaire dans la symptomatologie contemporaine, et du genre de réponse que ce réel appelle et va constamment, avec beaucoup de force, appeler. Et ce qui est très, très génial dans le livre de Wampold, et dans l'ensemble d'ailleurs de ses travaux qui ont continué comme ça, c'est que Wampold s'est justement servi de l'ensemble de toutes les études qui ont été compilées depuis les années 60 et 70 pour comprendre s'il y avait des psychothérapies plus efficaces que d'autres dans telle ou telle situation, à tel ou tel moment, etc. Il les a toutes lues, il en a recalculé énormément, il a refait des études en appliquant des instruments statistiques qui avaient été inventés longtemps après que ces études aient été faites pour les remouliner, en ressortir des données supplémentaires, etc. C'est un travail énorme qui lui a pris une vingtaine d'années. Et son argument consiste à dire ceci. L'argument fondamental, c'est qu'il ne faut jamais oublier une chose, c'est que les psychothérapies sont parmi les traitements médicaux les plus efficaces qui existent. Si vous pondérez, quand on fait comme ça, quand on fait des calculs de santé publique, on pondère la charge morbide des affections, par exemple, si vous perdez deux bras, si vous avez un cancer du foie, si vous êtes aveugle, etc. On additionne le nombre d'années de vie perdues, le poids des symptômes, les effets secondaires, etc. On arrive à on compile toutes les souffrances, comme ça. On appelle par exemple un sévère trouble obsessionnel compulsif. C'est une charge morbide, ça abîme beaucoup plus la vie, mais nettement beaucoup plus qu'un cancer du poumon, pour vous donner quand même une idée du nombre d'années de vie perdues, du nombre de souffrances, du coût de poids sur la famille, de conséquences, etc. Donc, quand on peut, ensuite, on regarde les efficacités des psychothérapies. Eh bien, il n'y a aucune espèce de doute. Il y a des tas de choses qui ont des utilités absolument dérisoires, les antibiotiques, tous ces machins-là, qui servent pratiquement à rien, sauf dans des situations exceptionnelles, qui ont, quand on les mesure comme ça, une efficacité infiniment moindre par rapport à la gravité, au poids de la maladie et au succès du traitement, qu'au poids d'une névrose obsessionnelle et d'un traitement comportementaliste réussi, par exemple. L'effet est bien plus grand. C'est la raison pour laquelle on peut tout à fait défendre en termes de santé publique, c'est même une chose que j'ai faite personnellement et pour laquelle je milite, l'idée que les psychothérapies devraient être remboursées, quelles qu'elles soient. Parce qu'il n'y a aucun doute, c'est vraiment des traitements efficaces. Maintenant, on ne sait pas pourquoi. Bon, mais c'est une pure corrélation. Mais enfin, on ne sait pas non plus vraiment pourquoi un certain nombre de médicaments agissent sur un certain nombre de pathologies. Hein. Ça, la découverte de l'efficacité de l'aspirine contre la fièvre, je crois que c'est les années 2000, mais on l'utilise depuis 1830. Hein. Ça fait que une dizaine d'années qu'on sait effectivement, physiopathologiquement, pourquoi l'aspirine a de l'effet sur la fièvre. C'est pas grave. Donc c'est des corrélations. En revanche, il y a deux grands modèles d'interprétation des effets. Il y a le modèle médical et le modèle contextuel. Le modèle médical, où les gens qui font des psychothérapies sont des patients, le modèle contextuel, où ce sont des clients. Dans le modèle où ce sont des patients, le modèle médical, c'est les essais randomisés avec placebo, avec plusieurs bras, hein, les essais randomisés, dans lesquels on considère qu'il y a des techniques spécifiques, la désensitivisation, la déshabituation par les traitements comportementaux, l'association libre, enfin toutes ces choses-là, qui seraient des facteurs spécifiques de l'efficacité des psychothérapies. Et puis, le modèle contextuel, qui pense, au contraire, qu'il n'y a pas de facteurs spécifiques dans l'efficacité des psychothérapies, mais que, quelle que soit la psychothérapie, il y a des facteurs communs. Un des résultats statistiques fondamentaux qui est au principe qu'a montré Wampold, sur lequel tout le monde s'est cassé les dents, bon, qui a donné lieu à cette espèce de grande confusion là, avec le rapport de l'INSERM sur les psychothérapies. Bon, il faut que vous sachiez une chose, quelle que soit la pathologie et quelle que soit la psychothérapie, on n'a jamais pu mettre en évidence la moindre supériorité d'aucune psychothérapie sur d'une bona fide, hein, c'est-à-dire des psychothérapies délivrées par des gens compétents, bénéficiant d'une consistance conceptuelle, réflexive, etc., articulée, soignée et profonde. Hein. Je ne parle pas de choses complètement fantaisistes, non, mais je parle des grandes, la psychanalyse, les psychothérapies existentielles, les psychothérapies cognitives, les comportementales, les cognitives ou comportementales, par exemple, pour parcourir l'essentiel de ce qui se fait. Jamais aucune, il n'existe pas d'étude statistique qui ait pu montrer bon, que les unes étaient supérieures aux autres. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que les méta-analyses qui sont bien refaites, les reconsidérations des analyses, lorsqu'on fait apparaître des différences, elles sont extrêmement faibles. C'est-à-dire qu'il faut des instruments statistiques sur des grosses populations pour les faire apparaître. Okay ? Et on finit toujours, par, en revisionnant les bandes ou en réinterrogeant les gens, par trouver des moyens de montrer qu'en réalité, cette petite différence était liée au fait que dans le sous-groupe machin chose, d'un côté, ils ont pris 10 professeurs d'université, de l'autre, 4 étudiants de première année en psychologie. Et effectivement, là, il y a une petite anomalie. Je prendrai un mauvais exemple, puisque la démonstration a été faite qu'un professeur d'université n'est pas plus efficace qu'un étudiant de première année quand il applique une psychothérapie. Bon. C'est une chose qu'il ne faut jamais oublier. Donc les facteurs communs que Wampold a mis en évidence, précisément parce qu'il disposait d'instruments statistiques qui lui permettaient de revenir sur les données compilées souvent dans des études fort anciennes et de faire par régression logistique, par analyse de clusters, par décomposition et intégration des facteurs, de retrouver des corrélations dont qu'on n'avait pas les moyens ou on n'avait pas les machines pour extraire des données des anciennes études. Le facteur fondamental, des facteurs communs qui est le plus efficace, c'est l'alliance perçue du côté du patient avec le thérapeute. Ça, c'est vraiment quand vous comparez les études, on compare deux psychothérapies ou trois psychothérapies, celle qui marche le mieux, c'est pas en fonction de sa technique, c'est celle où on peut mettre en évidence l'alliance perçue. C'est que les gens qui vont faire ces psychothérapies font une confiance réelle, maintenue, à la personne à qui ils se confient. Le deuxième facteur à l'efficacité un peu moins grande, c'est l'allégeance, enfin qui contribue pour un peu moins, c'est pas exactement la même chose, à la variance dans la comparaison des tailles d'effet des psychothérapies, c'est l'allégeance du thérapeute à une méthode. C'est-à-dire qu'il faut que le thérapeute ait une conscience claire, un sentiment de cohérence dans sa pratique lorsqu'il administre un soin. Et c'est une cohérence très particulière, c'est une cohérence qui ne doit pas être rigide. Alors ça vous paraît un truc de bon sens, hein, la capacité. Mais c'est ça qui met en difficulté toute tentative de comparer des psychothérapies, c'est que pour les comparer, on oblige en général, on essaie d'obliger du moins les thérapeutes à suivre effectivement les conseils du manuel. Et donc, si vous faites une psychanalyse, à ne jamais donner aucun conseil, à jamais intervenir dans le réel, mais à vous contenter des associations libres. Ou si vous faites une thérapie comportementale, de ne jamais rassurer le patient dans un moment où vraiment, là, il va extrêmement mal et il ne va pas vouloir foutre sa main dans son bocal plein de crabes et de d'araignées. Vous voyez, hein. J'ai à aucun moment à lui dire « Allez-y, mon brave, c'est pas grave, vous allez voir. » Non. Or, la preuve est faite, ça c'est très intéressant, les études qui le montrent, que les thérapeutes les plus rigides sont les moins efficaces. C'est la capacité, de manière cohérente, dans le contexte, en fonction de la personne, à faire des infractions aux recommandations systématiques du manuel qui servent à identifier la psychothérapie que vous faites, qui est décisive. Et alors, il y a un troisième facteur, il y en a plusieurs, mais celui-là m'a toujours beaucoup plus marrant, m'a paru extrêmement marrant, c'est que plus vous pensez que c'est difficile, et plus vous pensez que ça va prendre du temps, et plus vous êtes efficace. C'est un truc très rigolo. Il y a aussi des choses marrantes, comme les psychothérapeutes qui croient qu'à la biologie sont très mauvais. Les psychothérapeutes qui croient à la psychologie sont bons. Mais vraiment, avec des tailles, des différences statistiques, ça, sur des centaines d'études, enfin, vous verrez, si vous lisez le bouquin, les tableaux sont très rigolos. Enfin, la dimension du plus vous pensez que ça va être dur, que ça va prendre du temps, plus vous êtes efficace, plus vos effets sont très bons. Alors, qu'est-ce que ça explique? Eh bien, tout ça, ça explique presque rien. C'est-à-dire que quand vous avez additionné tous ces facteurs qui sont ceux qu'on peut vraiment réussir à faire émerger du moulinage statistique, des résultats, des types de symptômes, etc., ça explique moins de 10% de la variance. Et donc 90% de la variance reste inexpliquée. On ne sait pas. On ne sait tout simplement pas. En plus de ces facteurs-là, ce qui fait qu'une psychothérapie est efficace. En tout cas, une chose qui est rigolote, c'est de dire que les gens qui insistent absolument sur des trucs de manuel, il faut que vous alliez à la maison, vous remplissiez le machin, etc., que vous fassiez vos cahiers d'exercice, etc., c'est moins de 1% de la variance que ça explique. Donc c'est vraiment pas la peine de dresser, de faire des associations pour dresser des gens à apprendre à des techniques comportementales ou interpersonnelles particulières, etc. C'est moins de 1% de la... Ça a des conséquences considérables d'ailleurs sur la manière dont on devrait former les psychologues. Alors, j'ai fait tout un séminaire pendant un an là-dessus. Ça ne doit pas vous étonner pour la méthode des associations libres, puisque mon séminaire portait justement sur ce point qu'il n'y a aucun moyen de savoir si ce que vous dit quelqu'un, c'est une association libre ou pas. Pas de critères. Ce que je fais là, ça peut être une association libre. D'ailleurs, parfois des gens, on les laisse parler, ils ont l'air de parler, bon, on voudrait bien les mettre dans un état de rêverie qui correspond à un truc un peu psychique, où ils ont l'air comme ça sur le divan de se mollir un petit chouïa pour que ça ressemble à la psychanalyse comme dans les films. Mais bien souvent, nous n'avons aucun critère pour savoir si nos patients font des associations libres. Ils disent ce qu'ils veulent, de toute façon. Hein, dès le moment qu'ils disent ce qu'ils veulent, que les gosses ils dessinent ce qu'ils veulent dessiner, on est bien emmerdé pour dire que c'est pas de l'association libre ou un équivalent symbolique de l'association libre. Alors, l'interprétation traditionnelle de ces 90%, c'est la vie. C'est-à-dire que l'essentiel se passe en dehors du rituel psychothérapeutique. Le rituel psychothérapeutique ne fait qu'accompagner dans des pics à des endroits très précis de minuscules petites inflexions. Je ne suis pas satisfait de cette explication et je reviendrai là-dessus. Je ne dis pas que ce n'est pas la vie, mais ça me paraît un peu léger de dire que c'est la vie. Et je vais terminer la séance de ce soir en disant ceci. C'est que un des problèmes que ça pose, c'est que bien sûr, il a examiné des thérapies qui ne sont pas la psychanalyse, mais qui ressemblent à la psychanalyse, Wampold. Hein. Il y a des études qui ont été faites sur l'efficacité de la psychanalyse. Il y a des gens qui étaient derrière David Santin, qui regardaient des cabinets, des gens qui courent, des magnétophones sous le divan, des gens qui avaient signé des décharges, etc. Contrairement à ce qu'on raconte en rigolant, j'ai jamais vu de preuve que c'est nuit aux analyses. Jamais vu. J'en ai jamais lu. Le fait que ce soit enregistré ou vu à travers une vitre sans teint, c'est intéressant d'ailleurs, hein, parce que ça montre bien à quel point nos représentations de ce que c'est que le caractère privé, secret, des choses sont problématiques. Il y a des gens, ça me serait totalement impossible de foutre un magnétophone sous mon divan. Et il y a des gens qui l'ont fait, qui ont même été observés, et apparemment, ça n'a pas l'air d'avoir été si catastrophique que ça. Bon, donc là aussi, c'est une question empirique, c'est pas évident. En tout cas, qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit que la psychanalyse n'est ni moins ni plus efficace que le reste de ces psychothérapies en tant que psychothérapie. Ça, d'une certaine manière, c'est assez rassurant d'un côté. Au sens où ça compte pour 10% de la variance quand vous êtes super bon, quoi. Hein. Ou quand tout un échantillon de psychanalystes est super bon, ça compte pour 10% de la variance au maximum, quoi. L'alliance perçue, l'allégeance, etc. Mais, du coup, ça nous fait bien sentir aussi, je crois, à quel point, pour la pratique contemporaine de la psychanalyse qui ne jouit plus de cette espèce d'appui extraordinaire que lui offrait un monde où elle rendait compte du malaise dans la civilisation et où elle était presque officiellement dans ses catégories ou ses concepts quelque chose d'extrêmement vivant pour son interprétation. On est extrêmement nu devant les patients et devant les pratiques qu'on a thérapeutiques cure une par une. Et que c'est ça qui est très sensible, c'est que pourquoi plein de gens se réfugient dans une psychanalyse qui finit par prendre les airs d'une idéologie sectaire, etc. C'est parce que la nostalgie de ne plus trouver dans la culture l'évidence des appuis, des demandes, de demandes de psychanalyse. Et c'est tellement douloureux d'avoir perdu cela que, puisqu'on n'a plus l'universel, on va se mettre uniquement dans un groupe fermé sur lui-même pour simuler qu'à l'intérieur de ce groupe, de ce petit milieu, il va y avoir un effet d'universel et que la psychanalyse, ça continue à valoir universellement. Mais par des procédés qui consistent à vivre dans des ghettos ou dans des espèces de trucs où on se réunit pour parler de psychanalyse entre psychanalystes dans un langage psychanalytique et puis en se lamentant sur l'état extérieur du monde et la mutation des sujets. Ce qui est intéressant avec ces considérations sur la psychothérapie, sur le réel de l'efficacité, ce réel un peu pauvre, un peu moche comme ça, c'est que ça nous remet d'une autre manière devant la question des névroses actuelles contemporaines. C'est-à-dire que, il y a des actions possibles sur les névroses actuelles contemporaines. Alors, quelle différence ça va faire à la psychanalyse ? Puisqu'elle n'est ni plus ni moins efficace que les autres, et que ce par quoi elle répond aux névroses actuelles, ce par quoi elle fait psychothérapie, est justement non spécifique. C'est pas spécifique. C'est des facteurs communs qu'elle partage avec toutes les autres psychothérapies quand elle a un certain pouvoir sur ses névroses actuelles, ce que j'appelle comme ça, en gros, les névroses actuelles. Et moi, je ne vais pas aller plus loin ce soir, je vais m'arrêter là, mais ce que je voudrais soulever comme question pour le séminaire de cette année, et pour ça, je vous demanderai de regarder un peu, si vous avez l'occasion, enfin, tout est en anglais, malheureusement, pour Wampold, c'est de voir dans quelle mesure nous pouvons cesser de fonctionner dans une sorte de rejet de la dimension psychothérapeutique, de comprendre autrement notre propre détresse devant la demande de psychothérapie, devant les parents par exemple, devant les crises sociales que traversent les gens comme ça, et comment on peut éventuellement essayer de s'équiper psychiquement pour traiter l'état psychique dans lequel nous met cette demande d'une façon qui nous épargne un petit peu et qui nous permette de penser. Un des grands torts, à mon avis, de Wampold, et surtout de Jérôme Franck, parce que Wampold est l'élève d'un célèbre psychologue des psychothérapies qui s'appelait Jérôme Franck, je ne sais pas s'il est vivant toujours. Bon. Jérôme Franck, c'est qu'il disait qu'au fond, à partir du moment où vous êtes dans le modèle contextuel par opposition au modèle médical, vous vous foutez totalement de savoir si votre théorie psychothérapeutique est vraie. Parce que si c'est l'alliance avec le patient et l'allégeance qui compte, ça n'a pas besoin d'être vrai. Ça peut être un mythe pourvu qu'il marche. Et c'est comme ça qu'il décrit son rapport à la psychothérapie, c'est que c'est un mythe qui marche, qu'il faut donc préserver du savoir médical. Tandis que le grand courant contemporain des thérapies cognitivo-comportementales essaie, lui, de se fonder, en tout cas depuis une quinzaine d'années, dans la neurobiologie, par exemple, dans vraiment les sciences cognitives. Il cherche à faire des thérapies qui correspondent à ce qui se passe objectivement dans le cerveau. Il ne faut surtout pas que ce soit mythique, il faut que ce soit objectif dans le modèle médical des psychothérapies. Mais ce qui m'embête beaucoup avec la solution, parce que Wampold adopte au fond la position de Jérôme Franck, c'est un mythe qui marche, c'est que je ne crois pas qu'un fait choisi, quelque chose qui puisse avoir les moyens de nous confronter au réel extrêmement déplaisant de la demande psychothérapeutique, je ne crois pas que ça puisse être quelque chose d'irrationnel ou de mythique. Je pense que ça peut s'exprimer dans les formes du mythe, mais je crois que ça a besoin de vraies raisons. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir rendre raison de ce qu'on fait dans une interprétation. Je ne suis pas en train de dire que je suis partisan que la psychanalyse soit une science, mais je pense qu'on ne peut absolument pas se contenter de dire que c'est un mythe qui marche. Parce que là, c'est peut-être ça qui va distinguer la psychanalyse du reste des psychothérapies qui peuvent fonctionner même si elles ne sont que des mythes, c'est qu'il y aurait une manière d'analyser l'esprit, une manière d'entrer dans le discours de la science, une manière d'avoir un rapport particulier à la rationalité qui permettrait d'avoir une forme d'objectivité, une certaine sorte d'objectivité qui ne serait pas exclusivement mythique. Que par exemple, s'il y a des mythes à convoquer, c'est pas parce que les mythes marchent. C'est parce qu'il y a des raisons de convoquer des mythes. C'est parce qu'il y a des lieux où, effectivement, on peut être amené, dans la psychanalyse, à considérer que telle et telle chose, ça relève du mythe. Que ce soit l'Œdipe ou autre chose. Mais ce n'est pas parce que l'Œdipe est un mythe qui marche. C'est parce qu'il y a des raisons de savoir que la raison s'arrête à un moment, par exemple. Ça peut être une raison, ça. Ça peut être un racinement en particulier. Et que quand ces mythes changent, c'est pour des raisons, c'est pas parce que la mode change. Donc là, je crois que tout le travail que j'essaie d'entreprendre consiste à vous proposer un fait choisi qui vous permette d'envisager autrement ces sentiments très pénibles de persécution ou de dépression qu'on éprouve devant certaines demandes. Donc de construire cette petite flèche, à un moment, il faut quand même que ce soit pas simplement un mythe. Et c'est la peine qu'on se donne à faire peut-être une analyse sociologique de ce que c'est que les conditions de l'autonomie, de pourquoi les gens sont si dur de recevoir les parents, des parents d'enfants autistes. Pourquoi c'est si dur pour nous? Et pourquoi pour les gens qui croient que c'est pas dur pour eux, en fait c'est aussi dur pour eux, et que même s'ils sont des comportementalistes, eux aussi ils vont passer à la moulinette de la toute puissance puis de l'impuissance. Et d'ailleurs, ils s'en plaignent. C'est que les parents, quand on n'a pas arrangé leurs enfants avec une technique, ils changent de technique et le technicien qui leur a proposé un autre truc se retrouve lui-même complètement déprimé, abandonné, hein, récusé dans ce qu'il a proposé parce que ça ne marchait pas. Tandis qu'un autre va fonctionner ensuite comme un gourou, etc. Et donc là, nous on peut réfléchir à ça, les autres ils ne peuvent pas. Mais on peut réfléchir parce qu'on a des concepts psychanalytiques. Et parce qu'on est capable d'élever en quelque sorte au concept ces émotions dépressives ou persécutives qui nous affectent. Voilà l'entrée du séminaire de cette année. Bon. Il est 11h10. Hein.